lorsque l'on pense parasite, ce ne sont pas forcément des images ni des pensées positives qui des premières viennent à l'esprit. On pense sale petite bête toxique, profiteuse, malveillante, bref, à peu près tout l'inverse de l'immense diversité de ce que sont les parasites. Si certains sont en effet vecteurs d'affaiblissement, voire de maladie, sans parasites, il n'y aurait peut-être pas eu de photosynthèse, ni de mitochondrie dans les cellules, il n'y aurait peut-être même pas de digestion possible, et peut-être pas non plus de reproduction sexuée. Que sont donc ces organismes qui vivent aux dépens des autres, et pourquoi exercent-ils autant de fascination ? Parasite, un hôte pas toujours malvenu, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ces petites ou ces plus grosses bêtes, parfois, qui ont tant besoin des autres pour survivre, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir en ce lundi de Pâques, Pierre Kerner, bonjour. Bonjour. Habitué de nos tables rondes du vendredi, maître de conférences en génétique évolutive du développement à l'Université Paris-Diderot et auteur de « Moi parasite » aux éditions Belin. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Simon Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS à la station d'écologie théorique et expérimentale. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes de France Culture ainsi que sur notre fil Twitter, et non pas Facebook, c'est Twitter, @laméthodefc. Ne vous trompez pas. Pour commencer, on va peut-être essayer de faire une petite entreprise de réhabilitation. C'est ce que vous essayez de faire, Pierre Kerner, dans votre livre. Le parasitisme, c'est de facto un paramètre d'ailleurs important de l'évolution. Oui, c'est un paramètre important parce que c'est une des stratégies qui peuvent être adoptées par les organismes pour pouvoir justement réagir à l'autre. En fait, ce qu'on imagine souvent, c'est que les vecteurs de l'évolution, ce sont les éléments un tout petit peu abiotiques, c'est-à-dire la température, la salinité, plein de choses qui concernent l'environnement, en oubliant que l'essentiel de ce qui forme l'environnement d'un organisme, c'est un autre organisme. Et donc, il y a différentes stratégies, différents types d'interactions entre organismes qui peuvent s'établir, entre espèces notamment. Et on connaît peut-être les plus courantes qui sont la prédation, parfois le mutualisme, et moins l'importance énorme de ce qu'est le parasitisme, dans lequel un organisme interagit de manière durable avec un autre et vit à ses dépens. Ouais. Alors on va voir que ces dépenses, c'est pas toujours négatif en l'occurrence, mais un mot sur cette fonction évolutive vraiment très importante. Je le disais à titre d'exemple dans l'introduction, on parle de la photosynthèse, des mitochondries, tout ça, ce serait a priori des mécaniques parasitiques à l'origine, Simon Blanchet ? Oui, tout à fait, c'est des mécanismes qui à l'origine, on pense en tout cas, étaient d'ordre parasitisme, qui se sont incorporés au vivant, et en fait les autres organismes ont finalement à la fin tiré profit de ces parasites pour créer quelque chose de nouveau, des nouvelles fonctions, comme effectivement la mitochondrie ou d'autres types de fonctions. Ou la photosynthèse, par exemple. Ou la photosynthèse, ouais. Tout à fait. On en est sûr, Pierre Kerner, photosynthèse, mitochondrie, c'est vraiment des mécaniques parasitaires au départ ? À mon avis, c'est très très difficile d'établir justement quel type de relation croisaient ces organismes, un qui abrite et l'autre qui vit à l'intérieur. Donc, en fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une interaction qui était probablement durable entre ces organismes. Ouais. De ces interactions durables, généralement, on envisage justement le mutualisme ou le parasitisme. Mais quoi qu'il arrive, ces types d'interactions favorisent d'une part l'échange d'informations qu'il peut y avoir entre les deux partenaires et d'autre part, à terme, peuvent avoir des dynamiques qui sont soit parasitaires, soit mutualistes, mais nécessairement imbriquées l'une à l'autre. Simon Blanchet. Oui, ces interactions également favorisent en fait ce qu'on appelle aussi le phénotype étendu. On a une interaction durable entre les deux génomes, celui de l'autre et du parasite ou du mutualiste ou du commensalisme, qui crée en fait des nouveaux phénotypes à partir de l'interaction des deux génomes des organismes. Et c'est ça qui crée des nouvelles fonctions aussi et de l'innovation dans le vivant. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à considérer que ces interactions durables sont extrêmement importantes pour le vivant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en soit arrivé au point où il n'y a, alors après évidemment des millions et des centaines de millions d'années d'évolution, plus de distinction entre le parasite et l'autre, entre l'hôte et le parasite, où tout cela devient plus du soi et du non-soi, mais une seule entité. Oui, oui, en fait, c'est à partir du moment où il y a un enchevêtrement d'organismes qui ne peut pas se passer ni l'un ni l'autre de cette association, on envisage nécessairement que la somme est plus grande que chaque entité. Mais il y a tout de même quelque chose qui est, moi, je trouve fascinant, c'est qu'à l'heure actuelle, les chercheurs sont capables justement de déterrer ces unicités, ces partenaires et de comprendre potentiellement ce qui s'est passé. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est que malgré le fait qu'on soit des entités globales, eh ben, on voit encore comment peut-être il y a ces interactions et parfois même des conflits qui peuvent exister encore à l'heure actuelle entre un génome, un porteur de génome et son hôte. Et puis on en reparlera et on verra une fois qu'on aura examiné toutes ces relations-là, comment par exemple, si on peut considérer d'une certaine façon les microbiotes, dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme des formes de parasitisme qui seraient étendues. Bref, mais avant cela, peut-être une question, comment est-ce qu'on explique alors ce point de vue très négatif que l'on peut avoir, ce facteur de dégoût, comme vous l'appelez Pierre Carner, lié au parasitisme? Pourquoi ça a cette mauvaise image de marque, le parasite? Parce que le parasitisme a très très très longtemps été associé avec uniquement une partie de cette définition, qui n'est pas l'interaction durable, mais qui est de vivre aux dépens de, c'est-à-dire de priver l'hôte de certaines de ses productions, que ce soit sa matière, c'est-à-dire le parasite puise de la matière, de l'énergie, du travail. Il y a quelque chose qui est puisé sans retour. Alors, nécessairement, ça, c'est pas quelque chose de positif. Alors, on peut tout à fait voir ça de manière sociétale à l'heure actuelle. S'il y a un membre de la société qui ne rend pas au retour, eh ben, généralement, c'est pas, comment dire, c'est pas apprécié. Il est effectivement peut-être pas forcément très bien très considéré par les puissances dominantes. Néanmoins, peut-être qu'on peut le dire aujourd'hui, hein, vous avez prononcé, Simon Blanchet, quelques mots tout à l'heure, mutualisme, commensalisme. Est-ce qu'on peut tout parasitisme est forcément à dimension univoque, ou est-ce que c'est plus complexe que ça, Simon Blanchet? Non, c'est forcément plus complexe, comme à chaque fois dans le vivant. Après, clairement, le parasitisme, il y a quand même un des deux qui profite, l'hôte qui n'en profite pas dans le commensalisme, et au contraire qui en pâtit dans les autres formes d'interaction durable, notamment le commensalisme. On a un des deux qui en profite, l'hôte qui n'en pâtit pas. Donc tout ça, c'est un continuum. Le mutualisme, les deux en profitent. Donc on a réellement un continuum du parasitisme jusqu'au mutualisme. Parfois, les barrières sont vraiment tenues et on sait qu'il y a certains parasites qui deviennent des commensalismes et éventuellement des commensalismes qui peuvent devenir des mutualistes. Et là, on est quelque chose de très intéressant aussi, qui est l'évolution de l'interaction dans sa durabilité. Et c'est extrêmement difficile parfois de faire la part des choses. On sait très bien qu'il y a des parasites qui n'ont pas ou peu d'effets pathogènes sur leurs hôtes et qui peuvent vivre de façon, on va dire, bah justement très durable avec leurs hôtes dans le milieu tant qu'il n'est pas perturbé. Par exemple ? Bah, par exemple, moi je travaille également sur les parasites de poissons, et on a beaucoup de parasites de poissons qui, tant qu'ils ne sont pas nombreux chez leurs hôtes, ne posent pas de gros problèmes, ou tout au moins visibles, en termes de reproduction, par exemple, en termes de croissance sur leurs hôtes. Tant, encore une fois, que l'environnement est stable et peu perturbé. Et la plupart, en fait, des cas où on a des pathogénicités élevées des parasites, c'est très souvent quand quand une perturbation vient affecter le système, finalement. Il y a un paramètre temporel aussi, c'est-à-dire que finalement, des parasites qui vivent, ou en tout cas qui ont l'habitude depuis tellement longtemps de vivre avec leur hôte, que la relation petit à petit s'atténue, ou en tout cas le dommage pour l'hôte devient de plus en plus ténu, Pierre Carner. Ouais, tout à fait, mais pour justement rebondir avec cette idée de pourquoi ça nous dégoûte, il y a aussi le fait qu'il faut faire la paix avec le fait d'être habité. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement difficile à envisager, difficile de cohabiter justement avec cette espèce qu'on ne connaît pas, qui est l'étranger, et qui fait partie intégrante de notre corps. Et comme vous le dites, en fait, il y a un moment où on peut avoir des difficultés à mesurer justement tous ces effets néfastes. C'est très très compliqué à établir, en plus de manière scientifique. Donc la plupart du temps, le dégoût, le rejet de cette espèce parasitaire se base plus sur le rejet de l'étranger qu'une véritable, un véritable rejet d'une prise de ce qu'on a fourni d'un dommage véritable. Simon Blanchet ? Oui, après, je vais revenir sur la notion de virulence qui peut s'atténuer dans le temps, comme vous le mentionnez. Ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on remarque. Et on le remarque, en fait, par exemple, quand un parasite, un pathogène, est introduit dans un nouveau milieu, via les invasions biologiques par exemple, et là on constate effectivement que ces nouveaux pathogènes introduits ont des effets pathogènes, un niveau de virulence extrêmement élevé, et souvent plus élevé que ce qu'ils peuvent avoir dans leur milieu naturel natif. Il y a plein d'exemples, l'écureuil gris qui a introduit En Angleterre, c'est un certain parasite qui ont décimé les populations d'écureuils roux. Il y a plein d'espèces de poissons aussi qui sont introduites avec leurs parasites, où ils sont peu pathogènes, ils sont porteurs sains parfois, quand on dit. Mmh. Et quand le pathogène se développe vers des espèces natives, donc quand l'interaction elle est nouvelle, ben c'est là très souvent qu'on a des effets pathogènes qui peuvent être très élevés. Un mot également pour continuer un peu à faire ce premier tour d'horizon, pour dire et pour poursuivre sur cette notion, finalement sur cette image de marque très très négative, on peut dire très simplement, Pierre Carnard, que nous, êtres humains, nous sommes très très largement parasités, vous, moi, nos auditeurs là en ce moment. Tout à fait. En fait, la part des organismes vivants qui sont parasitaires est juste gigantesque. On ne se représente pas l'énorme diversité d'espèces qui vivent aux dépens d'autres. Rien que les virus, avec toute la discussion qu'on peut avoir justement sur le fait que ce soit des organismes vivants ou pas, mais le fait est qu'ils sont très très très divers et on arrive à peine à envisager leur diversité et la quantité de virus qui existe pour pratiquement toutes les espèces à l'heure actuelle qui possèdent des cellules est colossale. Donc, nécessairement, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire qu'il y a plus d'espèces parasitaires que d'espèces qui ne le soient pas. C'est intéressant, ça, parce qu'on parlait tout à l'heure, au tout début de cette émission, des mitochondries, de la photosynthèse. Finalement, on se rend compte que la mécanique parasitaire avec les virus, c'est presque le début de la vie ou de l'apparition de la vie. C'est presque similaire au début de l'apparition de la vie, si on part du principe que le virus, c'est une action parasitaire par essence, Simon Blanchet. Ouais, bon, là-dessus, j'avoue que j'ai pas trop de compétences, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mmh. Mais c'est clair que les parasites ont contribué à la complexification de la vie, ça c'est certain. Ouais. C'est pas des choses que je connais. Si, moi, je peux a priori rebondir, c'est qu'en fait, il y a deux hypothèses vis-à-vis de cette place des virus dans l'origine du vivant. Certains qui la placent comme, voilà, ce sont les premières formes et dont on verrait les vestiges à l'heure actuelle, vestiges qui pullulent sur notre planète, mais qui seraient d'une certaine manière un vestige structurel de ce à quoi pouvait ressembler la vie au début, mais nécessairement qui devait bénéficier d'une source d'énergie, une source de production de matières premières qui leur était externe, ou au contraire, c'est une sorte de remaniement morphologique des premiers organismes qui étaient plus complexes de fait et qui auraient dans leur sillage laissé apparaître des formes de vie qui auraient bénéficié justement de l'autre à côté. On va vous renvoyer à l'émission que nous avions consacrée précisément au virus, où on avait passé une heure autour de cette question-là, donc il est évident qu'on ne va pas la trancher en 45 secondes. Néanmoins, ce qui est intéressant, pour revenir en tout cas à l'origine des mécaniques parasitaires du vivant, si on peut les appeler comme ça, c'est qu'elles sont répandues dans tous les règnes. On les trouve dans le règne animal, dans le règne végétal, on les trouve chez les champignons, on les trouve chez les bactéries, on les trouve peut-être chez les archées, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose qui fait partie du vivant, en tout cas qui est constitutif de la notion même de vivant, Simon Blanchet. Oui, il y a extrêmement peu de groupes animaux ou végétaux qui ne sont pas concernés par le parasitisme et qui ne comprennent pas au moins une forme parasite parmi leurs espèces. Hein, ça, c'est très clair. Je crois qu'il n'y a qu'un seul groupe, qui sont les échinodermes, qui ne comprennent pas de parasites. Donc, c'est incroyable. Et c'est vrai que oui, le parasite, en fait, c'est une évolution qui se retrouve chez tous les groupes où, en fait, il y a une occupation d'une niche, une occupation d'un espace potentiel pour se développer, pour se reproduire, en exploitant l'autre. Le parasitisme consubstantif du vivant. Oui, tout à fait. Et puis, dès qu'on essaie de justement essayer de voir une exception, je suis à peu près sûr que d'ici 10 ans, on trouvera une étoile de mer parasitaire. C'est assez incroyable, en fait. Le truc qui est assez fascinant aussi, c'est justement l'impact qu'a l'évolution sur les formes parasitaires. Parce que souvent, les difficultés qu'on a à détecter les formes parasitaires et leurs liens de parenté, c'est l'énorme impact qu'a eu l'évolution sur leur morphologie, leur milieu de vie, ce qui fait que parfois, il y a un exemple assez classique d'organismes qui sont apparentés à des méduses mais qui ressemblent à des petits vers et qui sont en fait le résultat de millions d'années d'évolution pour que des méduses qui a priori devaient ressembler à d'autres méduses se soient transformées en petits vers parasitaires du fait de leur interaction avec leurs hôtes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, en ce lundi pascal, nous parlons des parasites. Il n'y a aucun lien de causalité, je vous rassure. Vous pouvez toujours aller chercher des œufs dans le jardin sans craindre une certaine, aucune forme de parasitose, a priori, sauf si le chocolat est là depuis l'année dernière, peut-être. Nous en parlons. Pardon ? Sauf s'il y a des ascaris dans la terre. Bah voilà, donc maintenant enfants, faites attention. Il faut faire attention. Ce sera le message parce qu'on parle en connaissance de cause. Ah, oh là. Voilà, bon bien voilà, donc faites attention aux ascaris dans la terre et dans le chocolat, vous dit Simon Blanchet. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains, enfants. Les enfants, les parents aussi. Voilà, Simon Blanchet qui est avec nous depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Toulouse et Pierre Kerner qui est ici à la maison de la radio dans le studio de France Culture. Nous parlons donc des parasites. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Pierre, a priori, vous dites dans votre livre, au moins la moitié des êtres vivants, du vivant sur Terre serait parasitaire. Ça a l'air assez fou comme ça de dire qu'un être vivant sur deux est parasitaire. Bah, c'est fou, et puis en plus, ce n'est qu'une estimation, c'est ça qui est peut-être encore plus gênant. J'en faisais la réflexion, pas dans le livre, mais justement de manière générale dans la construction de ce livre, d'essayer de comprendre justement, à chaque effort de conservation, quand on trouve une espèce comme des nouveaux mammifères, etc., dans la forêt vierge, de considérer la nombre improbable de parasites que doit porter cet organisme-là et qui reste à caractériser et généralement qui ne font pas les gros titres de journaux. Ah, voilà, on a trouvé un nouveau primate, mais en fait, à l'intérieur, si on regardait dans son tube digestif, dans sa peau, etc., on verrait un nombre incalculable de parasites qui restent justement à étudier et souvent qui ne font pas l'objet d'efforts de conservation, alors que, a priori, comme tout un chacun, ils devraient mériter leur place au soleil, on va dire. Simon Blanchet ? Oui, c'est tout à fait vrai. Au niveau de la diversité, en termes de nombre d'espèces, ça représente une quantité incroyable. Et ce qu'on se rend compte actuellement aussi, c'est qu'en termes de biomasse, même dans les écosystèmes, ça représente des biomasses énormes. Ça peut représenter la biomasse, par exemple, dans des marais. La biomasse d'oiseaux qu'on voit dans les marais peut être égale à la biomasse de parasites qu'on ne voit pas. Mmh. Donc toute cette biomasse, c'est de l'énergie qui est transférée, qui ne passe pas par les chaînes trophiques telles qu'on les voit habituellement. C'est de l'énergie qui est mise dans les parasites et on ne la voit pas. Et pourtant, biomasse, c'est énorme. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Pierre Kerner, quand on trouve une nouvelle espèce, on ne prend pas forcément en compte les parasites qui vont avec. Et pourtant, alors les poissons font partie des vertébrés chez lesquels on trouve le plus d'espèces de parasites, mais aussi à l'intérieur des poissons, ce sont de véritables nids parasitaires. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez mis vos palmes, votre masque et votre tuba pour vous rendre compte que sous l'eau, la biodiversité est donc encore plus vaste que ce que l'on voit juste à l'œil nu. Oui, je suis allé plonger avec Jean-Louis Justine, qui est parasitologue au Muséum d'Histoire Naturelle et qui travaille principalement sur les parasites des poissons des récifs coralliens. On a regardé ensemble ces parasites conservés pour une bonne part entre deux lames de microscope et on a essayé de comprendre pourquoi c'est aussi long et exigeant d'identifier ces espèces parasitaires. Vous avez une incroyable variété de parasites sur un poisson. Mais c'est encore plus abondant chez les poissons des récifs coralliens. Sur un poisson, on va commencer par regarder l'extérieur du corps, parce qu'il y a des parasites qui peuvent être sur la peau, sur les écailles. Ensuite, en général, on prélève les branchies, parce que sur les branchies, il y a toute une faune très spécialisée, des dizaines d'espèces. Ensuite, on ouvre le poisson, on s'occupe du tube digestif. Et là, il y a encore une incroyable variété de parasites dans le tube digestif. Alors, nématodes, cestodes, digènes, acanthocéphales. Et puis, le reste du corps donne encore d'autres possibilités de parasites. Il y a des parasites tout à fait étonnants, par exemple dans les os de certains poissons. Des endroits où on ne s'attendrait pas à trouver des parasites. Quand on pense parasites, quand on n'est pas trop initié, on pense forcément à quelque chose de nocif. Est-ce qu'ils sont nocifs pour ces poissons ? Quand on regarde un animal sauvage, un poisson par exemple, on voit que tous les animaux sauvages ont des parasites, souvent très nombreux, à la fois nombreux en nombre d'espèces et en nombre d'individus, pas toujours avec une pathologie. Un grand nombre de ces parasites sont là, mais il y a un équilibre entre l'hôte et le parasite et on ne détecte pas de pathologie. Mais il y a un biais. Parce que, imaginez, parmi des poissons qui vivent librement, si certains sont tués par leurs parasites, bien ceux-là, le parasitologue ne les verra pas. Là, vous avez toute une collection, on est dans votre bureau, il y a toute une collection de parasites dans vos placards, sous des lames. Alors, je voudrais comprendre un petit peu, du prélèvement jusqu'à, par exemple, l'identification, quel chemin parcourt un parasite qui tombe entre vos griffes ? Le chemin entre le prélèvement et l'identification est long. Pour l'étude de la biodiversité en général et pour la zoologie en particulier, il y a ce qu'on appelle le taxonomic impediment, c'est-à-dire le handicap taxonomique. C'est facile de mettre un nom sur un poisson corallien. On peut le faire à 10 mètres de distance en regardant simplement la couleur. C'est infiniment plus difficile de mettre un nom sur un parasite. D'abord, on ne peut pas le faire à 10 mètres de distance parce qu'il est tout petit. Ensuite, il faut le préparer avec des méthodes très précises. Donc, pour la plupart des parasites, il faut préparer des lames de microscope. Et chaque parasite doit être préparé individuellement. Il doit être coloré avec des méthodes précises. Et ensuite, il doit être observé au microscope, peut-être pendant plusieurs heures pour chaque parasite, pour arriver peut-être à mettre un nom sur l'animal. On a une boîte devant nous. Est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu ce que vous avez récolté ? Et puis, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce qu'on va regarder ? Bon, j'ai pris une boîte au hasard dans les collections de parasites qui sont ici. Donc, c'est une boîte, ce sont des parasites de Gymnocranus. Ce sont des poissons de Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ouvre la boîte et vous voyez qu'il y a des lames. Chaque lame porte deux étiquettes. Il y a toujours une étiquette avec le nom du poisson et puis une étiquette à droite avec le nom du parasite. L'attitude du chercheur qui travaille au microscope, c'est les yeux dans le microscope, la main sur le crayon et l'autre main sur les réglages du microscope. Alors c'est un microscope un peu spécial parce qu'il a un accessoire qu'on appelle une chambre claire qui permet de regarder à la fois dans le microscope et de regarder en même temps son dessin, ce qui permet de faire un dessin qui suit ce qu'on voit dans le microscope. Vous pouvez voir tout de suite la première lame que j'ai prise au hasard. Là, c'est que le nom du poisson, il est connu, mais le nom du parasite, il n'est pas encore connu parce que le travail n'est pas encore fini. Donc, voilà, ça, une boîte comme ça, ça contient une centaine de lames. Et nous en avons, bien sûr, quelques centaines. Ça fait quelques milliers de lames. Et c'est quoi tout l'enjeu, finalement, d'identifier ces parasites ? L'enjeu, c'est de comprendre la biodiversité. Quand un plongeur plonge dans la mer et regarde ce qui bouge, il va voir, par exemple, des espèces de poissons. Donc, en quelques minutes, on peut voir, allez, une dizaine d'espèces de poissons. Si un parasitologue regarde les mêmes poissons, il va voir dans chaque poisson un grand nombre d'espèces de parasites. Et donc, cette biodiversité qu'on voit à l'œil, quand on regarde sous l'eau avec un masque, c'est une toute petite partie de la vraie biodiversité. On parlait de biodiversité parasitaire. Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre approximatif de qui évalue cette biodiversité ? Ce n'est pas une question très facile. Mais lorsqu'on regarde un poisson, on peut trouver dans un individu poisson plusieurs dizaines d'espèces de parasites. Maintenant, si on regarde l'espèce poisson, c'est-à-dire si on regarde un certain nombre d'individus de cette espèce, on va arriver peut-être à 50 espèces de parasites dans un poisson. Mais attention, on ne peut pas dire il y a 50 fois plus d'espèces de parasites que d'espèces de poissons. Parce que certains de ces parasites vont être communs à plusieurs poissons. Et donc il y a le problème de la spécificité parasitaire. C'est un phénomène complexe et qui peut varier le long de la vie d'un parasite. Certains parasites vont être très spécifiques à un stade de leur vie, c'est-à-dire infester un seul hôte, mais très peu spécifiques à d'autres stades de leur vie. Voilà donc, ces poissons ni parasitaires, c'était le reportage du jour d'Antoine Beauchamp. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Pierre Kerner ? C'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment cette dimension sur l'importance que ça peut avoir en taxonomie d'identifier de nouvelles espèces et justement les ramifications que ces nouvelles catégorisations, ce travail en fait taxonomique peut avoir sur la compréhension de la biodiversité, la compréhension des mécanismes de l'évolution et même, pourquoi pas, la compréhension de ce que peut avoir un impact de la l'activité humaine dans un récif, au-delà de juste briser les coraux? Est-ce qu'on peut perturber tout un équilibre d'écosystème en introduisant, je ne sais pas moi, quelque chose qui serait antiparasitaire? Simon Blanchet, est-ce qu'il y a un vrai défaut aujourd'hui de taxonomie parasitaire? Il y a un manque de classification criant? Bon, un manque de classification, peut-être pas, mais on manque de connaissances sur la taxonomie, ça c'est clair. Les spécialistes qui sont capables de déterminer des parasites à l'œil nu, il y en a de moins en moins, comme tous les taxonomistes à l'heure actuelle. Et comme ça a été dit dans le reportage, un seul individu peut contenir 10, 20, 30 espèces de parasites. Donc effectivement, chaque fois qu'on a un individu entre les mains, il faut déterminer tous ces parasites, c'est long. Et le problème, entre guillemets, en tout cas la caractéristique de la spécificité parasitaire, fait qu'on a des parasites qui se spécialisent à une espèce de poisson, donc on a une multitude d'espèces de parasites. Après, ce que je rajouterais quand même par rapport à ce reportage, c'est actuellement le développement des méthodes moléculaires pour identifier les parasites, qui d'une certaine façon facilitent le travail, d'une autre façon le fragilisent, parce qu'on perd de plus en plus de taxonomistes purs et durs, qui sont capables de définir, de caractériser les parasites. Vous voulez parler de la métagénomique, c'est-à-dire de l'analyse de... La métagénomique, ce qu'on appelle le barcoding ADN, oui. C'est-à-dire que chaque espèce a un petit barcode génétique qui lui est propre, et on peut utiliser ce barcode, comme le barcode des produits alimentaires ou ce qu'on veut, pour identifier une espèce ou essayer de la classifier parmi le vivant. Mais ça ne nous donne pas pour autant une description morphologique, anatomique, fonctionnelle de l'espèce. On a juste une identification. Et ce que l'on perd en perdant les taxonomies, c'est cette identification anatomique, morphologique, fonctionnelle. Et on a dit tout à l'heure qu'on retrouvait des parasites, évidemment, dans tous les domaines, dans tous les grands règnes, quels qu'ils soient, fungus, enfin champignons, animal, végétal, bactéries, etc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à pousser le trait, jusqu'à trouver ou jusqu'à dessiner une sorte d'arbre phylogénétique qui serait un arbre phylogénétique parallèle du monde parasitaire, Pierre Kerner? Non, au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment totalement imbriqué et parmi une des conséquences du mode de vie parasitaire, il y a en plus ce bouleversement des arbres de la vie. Au contraire, la plupart des interactions durables qui peuvent y avoir entre le parasite et l'hôte favorisent aussi des transferts génétiques qui peuvent y avoir. On les connaît justement pour ce qui s'est passé entre la mitochondrie et les organismes eucaryotes qui sont les hôtes de ces bactéries très très anciennes. Mais à l'heure actuelle encore, justement, on peut voir à quel point il peut y avoir des transferts horizontaux de gènes entre hôtes et parasites qui peuvent avoir des conséquences juste complètement incroyables, comme le disait Simon Blanchet. Toute cette notion aussi de nouvelles fonctions qui peuvent émaner de ces interactions et de ces transferts de génétiques en est la preuve. Et du coup, ça bouleverse pas mal de fois les efforts justement de relations de parenté qu'on peut voir entre tous les organismes vivants, parasites inclus. Oui, Simon Blanchet. Oui, on peut citer aussi peut-être les éléments transposables, tant qu'on en est aux interactions gène-gène, ces petits éléments, ces petites entités d'ADN mobiles qui bougent dans le génome, qu'on considère parfois aussi comme des parasites et qui ont joué un rôle extrêmement important et qui continuent à jouer un rôle extrêmement important dans l'adaptation des organismes libres et des parasites eux-mêmes. Donc voilà, oui, c'est clair que c'est des vrais innovateurs de l'évolution. On peut, pour conclure cette partie, peut-être rappeler, parce qu'on l'entend beaucoup, que l'essentiel de ce monde parasite, qu'il soit animal ou végétal, c'est un monde microscopique, unicellulaire, bactérien. Est-ce qu'on a une idée du rapport de poids entre les parasites plus complexes et les parasites les plus simples, Pierre Kerner? Moi, j'aime bien tout de suite trouver l'exception qui confirme la règle. Par exemple, les cestodes, donc ces organismes qui sont les vers solitaires, les ténias, etc., font partie des organismes les plus grands, en fait. Et notamment, nous qui mesurons à peu près 2 mètres de haut, pouvons abriter des ténias qui font 3 à 4 fois notre taille. Et le plus grand ténia mesure 30 mètres de long, puisqu'il est abrité dans les bedaines des cachalots. Tout ça pour dire qu'en fait, cette diversité fait que justement, on aura nécessairement une diversité de formes, de tailles, de morphologie. Et donc, probablement, la seule chose qu'on peut garantir, c'est leur nombre et le fait qu'ils nous supplantent complètement. Il n'y a pas de prévalence du parasitisme unicellulaire ou bactérien, Simon Blanchet? C'est trop divers ou c'est trop compliqué pour pouvoir l'établir de façon certaine? Je pense qu'en termes d'espèces, on va avoir un nombre d'espèces de bactériens et virales plus important, mais... C'est pas tout à fait comparable non plus, parce que c'est vrai qu'on est dans un cas des unicellulaires, dans l'autre des organismes plus complexes. Donc c'est pas facile de. Enfin, c'est pas utile peut-être de savoir qui est le plus, qui est le moins, mais ce qui est incroyable à chaque fois, c'est plutôt la diversité des formes, en effet, la diversité des cycles vitaux de tous ces parasites, qu'ils soient unis ou pluricellulaires. C'est, je pense, c'est là-dessus qu'il faut insister, quoi. C'est la façon dont ils ont profité du vivant pour générer toute cette diversité, quoi. Et on va voir la diversité de comportement, la diversité de transfert d'hôte à hôte, de passage du végétal à l'animal. Vous allez voir, c'est un monde complètement dingue. Where did the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. He crawls up on the doggy's knee. He crawls from here, he crawls from there. He crawls over everywhere. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. If he went up, if he went down, up on his face there was a frown. He started up and then he climbed up on the doggy's body line. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Then from a little shout of glee came from that naughty little flea. For he had found a little nest where he could get some food and rest. Where does the naughty little flea go? Nobody know. He bit him almost everywhere. It was so nice, he wanted more. He had never bit this dog before. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. He bit him here, he bit him there. He bit him almost everywhere. And as the kill was drawing near, he jumped and said Kilroy was here. Where does the naughty little flea go? Voilà, pendant que Pierre Carnard est en train de m'expliquer que je me trompais de façon d'enlever mes tiques dans mon enfance. Mais ça restera entre nous, on va en parler, puisque les tiques font partie des parasites dont nous parlons tout au long de cette heure sur France Culture. En ce lundi de Pâques, vous venez d'écouter Lord Flea qui chante Little Flea, un autre parasite, la puce. Nous en parlons donc avec Pierre Carnard, auteur de Moins Parasite aux éditions Belin et maître de conférences en génétique évolutive du développement à l'université Paris Diderot et en duplex depuis les studios de France Bleu à Toulouse avec Simon Blanchet, chargé de recherche CNRS à la station d'écologie théorique et expérimentale. Alors, un autre élément, outre le fait d'enlever des tiques, donc ne le faites pas avec de l'éther pour des raisons que vous pourrez aller trouver sur Internet. On va même peut-être vous mettre un lien sur Twitter sur savoir comment bien enlever un tic et ne pas attraper la maladie de Lyme. Ceci étant dit, un élément que je trouve assez intéressant et ce dont qu'on a évoqué hein, tout dans la première partie de cette émission, ce sont les parasites qui passent d'un règne à l'autre, du végétal qui parasite l'animal et parfois de façon très retorse. En termes évolutifs, c'est vrai que c'est assez passionnant parce que même si on partage évidemment un peu de notre patrimoine ADN avec le règne végétal, ça reste assez faible dans les gènes exprimés, et il y a des végétaux qui ont réussi à trouver leur chemin dans l'évolution pour réussir à parasiter des animaux, Pierre Carnard. Tout à fait, et alors je vais pas prendre l'exemple des végétaux, je vais prendre d'abord l'exemple des champignons. Il y a un champignon qui est particulièrement connu, qui s'appelle Cordyceps, qui fait partie d'une grande famille de champignons, qui sont pour la plupart capables de manipuler le comportement d'arthropodes, donc les organismes qui ressemblent à des insectes, les crabes, etc. Mais plus particulièrement les fourmis. Et il y a des champignons cordyceps qui manipulent le comportement des fourmis pour les obliger à s'accrocher à des brins d'herbe au-dessus de leur fourmilière. Ensuite, elles les paralysent et ce champignon va pousser et relarguer les spores au-dessus de la fourmilière pour justement faciliter sa propagation. Mais ce qui est fascinant et qui fait encore à l'heure actuelle l'objet de plein d'études qui sont publiées dans de grands journaux de revues scientifiques, c'est la manière dont ils arrivent à faire cela, à manipuler le comportement d'un organisme qui, tout aussi différent qu'il soit de nous-mêmes, est quand même particulièrement compliqué, avec de nombreux comportements. Et grâce, on ne sait pas encore très très bien, mais probablement à des interférences de leurs neurotransmetteurs ou du fonctionnement de leurs neurones, pour obtenir d'eux un comportement particulier. Sachant que le champignon lui-même n'a pas véritablement de comportement, n'a pas de système nerveux, de voir cette interaction qui s'est créée au fur et à mesure de l'évolution, ça a quelque chose de fascinant et de complètement dérangeant d'une certaine manière. Oui, et des cordyceps, il y en a pour les fourmis, mais il y en a beaucoup dans la jungle et pour différentes, ils sont spécialisés pour différentes espèces d'insectes et d'arthropodes. C'est effectivement des méthodes parasitaires très complexes, des stratégies très complexes et effectivement un peu mystérieuses du fait de la grande différence entre la nature du parasite et la nature de l'hôte, Simon Blanchet. Oui. C'est vrai que la transmission parasitaire d'un organisme à un autre, hein, que ce soit végétal, animal ou animal-animal, reste très souvent des énigmes et montre vraiment l'importance de l'évolution dans ces phénomènes, de l'adaptation des organismes à leur vie, à leur hôte et à leur succession d'hôtes. Car maintenant, c'est des choses assez connues que les parasites, beaucoup de parasites ont plusieurs hôtes en succession et ça peut être des hôtes extrêmement différents les uns des autres. On peut passer d'un crustacé zooplanctonique à un poisson, puis d'un poisson au milieu terrestre avec des oiseaux. Et le parasite doit s'adapter à toutes ces formes de vie et doit pouvoir passer, favoriser la transmission d'un organisme à un autre. Et c'est vrai que c'est des choses assez fascinantes et qui mettent en place des mécanismes très complexes et très ingénieux. Et on va voir les stratégies effectivement très très complexes de certains parasites qui n'ont pas un mais plusieurs autres qui passent par des cycles qu'on appelle hétéroxènes, c'est-à-dire qui ont besoin de passer par plusieurs organismes pour atteindre finalement leur hôte. Mais Simon Blanchet, vous avez en tête d'autres exemples de parasitisme interrègne, de parasitisme animal sur du végétal, végétal sur de l'animal ou des champignons, enfin des choses comme ça. Les champignons, on peut parler de la chytride, qui est un problème mondial actuel, qui est un champignon qui parasite les amphibiens, hein, à l'échelle mondiale. Et c'est un des exemples de parasitisme entre un champignon et un vertébré, et qui pose des problèmes extrêmement sérieux pour la biodiversité des amphibiens dans le monde entier. C'est-à-dire, quelles sont les mécaniques parasitaires, en l'occurrence ? Alors, les mécanismes parasitaires, là, moi, je les connais pas très bien, mais concrètement, c'est des organismes qui mènent à la mort de l'hôte assez rapidement. Voilà. Je ne connais pas assez bien, malheureusement, l'hôte. On peut rebondir là-dessus en disant que des parasites qui mènent à la mort de l'hôte assez rapidement, c'est plutôt assez rare dans le domaine parasitaire. Alors, c'est assez rare. Oui, Simon Blanchet. Non, je vais laisser intervenir à Pierre. Ouais. Alors, c'est assez rare, si ce n'est que, en fait, c'est juste que le terme est problématique et généralement, on a du mal à faire la distinction entre parasite et du coup prédation. Et il y a le terme parasitoïde qui a été utilisé pour justement faire cette entre-deux. Et il y a d'assez grands nombres d'insectes et notamment des guêpes qui sont parasitoïdes. C'est-à-dire qu'elles condamnent quasi systématiquement leur hôte à périr. Du fait de leur oviposition, c'est-à-dire qu'elles pondent à l'intérieur de leur hôte, c'est généralement des chenilles mais parfois d'autres larves, elles pondent à l'intérieur leur propre descendance qui va se nourrir des tissus de l'hôte jusqu'à la mort de l'hôte pour ensuite s'en extraire et devenir elle-même adulte. Il y a peut-être parfois même encore plus pernicieux, c'est certaines guêpes parasitoïdes qui pondent à l'intérieur d'une chenille par exemple, et cette chenille va voir à l'intérieur d'elle toute sa descendance, donc toutes ces petites larves de guêpes pullulées à l'intérieur d'elle, s'extirper sans tuer la chenille. Et la chenille va être alors contrainte, un peu d'une certaine manière zombifiée, pour pouvoir garder, protéger les guêpes qui viennent de s'extirper d'elle et qui viennent finalement de la condamner. C'est de la neurotoxicité. On a une explication de ce type de phénomène qui pousse certaines espèces animales avec des systèmes nerveux relativement simples, mais tout de même à se comporter contre elles-mêmes ou contre leur propre survie. On a des pistes, et pour moi, la piste la plus intéressante, c'est qu'il semblerait que la plupart de ces guêpes parasitoïdes ont elles-mêmes fait appel à leurs propres parasites qui sont d'une certaine manière domestiqués, des virus, qu'elles sont capables de, justement de, d'installer à l'intérieur et d'injecter à l'intérieur de leur hôte pour pouvoir d'une part diminuer leur système immunitaire, l'hôte n'est plus en mesure d'utiliser son système immunitaire pour combattre ces larves, elles détruisent le système immunitaire, le virus est donc propagé à l'intérieur de la chenille et va servir donc aussi potentiellement d'un vecteur de matériel génétique pour contrôler aussi le comportement de la chenille. Il y a quelques stratégies qui sont assez passionnantes hein, dans votre livre quand on s'intéresse à ces parasites, notamment cette. Alors l'exemple est en train de m'échapper, mais ces fourmis, dans un coup, l'abdomen commence à ressembler à une baie oui. pour transformer des oiseaux qui sont des oiseaux fructivores et pas insectivores à manger malgré tout les fourmis. Ça, oui. Je trouve ça assez fou aussi. Alors ce sont des petits. Si je me souviens bien, ce sont des petits vernématodes, donc ce sont des organismes multicellulaires, des animaux certes, mais dont le simple appareil, très peu de cellules, nous permettent quand même de voir quand même que des organismes relativement simples en apparence peuvent avoir des impacts incroyables. Donc d'une part sur le comportement de ces fourmis, qui généralement sont paralysées et elles ne vont pas rejoindre la fourmilière à un moment où elles devraient se sentir en danger, mais aussi physiologique et morphologique, leur abdomen gonfle, devient rouge et prend l'apparence à s'y méprendre d'une baie qui va être dégustée par l'hôte définitif de ces vers qui justement doit bénéficier du contexte environnemental du tissu digestif des oiseaux pour pouvoir se reproduire sexuellement. Tout ça c'est assez intéressant Simon Blanchet parce qu'on voit effectivement l'extrême complexité de ces stratégies de reproduction parasitaire qui passent parfois donc encore une fois par plusieurs hôtes, hein, sur les parasites qu'on appelle les cycles hétéroxènes. On peut parler notamment de la malaria, hein, du plasmodium dont on a parlé ici et qui pousse beaucoup et souvent par exemple j'ai lu que le plasmodium poussait la femelle moustique anophèle à changer son comportement, à réduire ses cycles de reproduction, donc à la pousser à se nourrir plus souvent, à piquer plus pour du coup eh bien, avantager le plasmodium dans son cycle de reproductif et trouver plus rapidement des hôtes. Oui, tout à fait. C'est le cas dans vraiment beaucoup de parasites. Hein. C'est pareil pour le schizostome. Hein, chez le schizostome, on a par exemple les larves infestantes qui sont synchrones, qui sont relarguées par le mollusque dans lequel ils se trouvent en termes de premier hôte, qui sont relarguées dans le milieu naturel et qui émergent au moment d'activité de l'hôte final, qui peut être un humain ou du bétail. Et on a un synchronisme temporel, en fait, dans l'émergence de ces larves infestantes. Donc on a des myriades d'histoires de vie différentes qui favorisent cette transmission parasitaire. C'est vrai, c'est chez les parasites hétéroxènes, et c'est souvent ce qu'il y a de plus impressionnant, parce qu'on a une modification très souvent du comportement, et on a affaire à des comportements un peu fous, comme le fameux gamard fou, le gamard c'est un petit crustacé, une petite crevette d'eau douce, qui va modifier son comportement pour être prédaté davantage par le poisson et que le parasite puisse passer de ce crustacé au poisson. Mais c'est vrai aussi chez des parasites à cycle plus simple, s'il y a des monoxènes avec un seul hôte, où là aussi, malgré tout, les larves infestantes vont devoir trouver l'hôte. Et on parlait des ascaris tout à l'heure, un petit peu en rigolant, et des œufs de Pâques. Les ascaris, chez les jeunes enfants, je vais reprendre cet exemple. Alors qu'est-ce que c'est que les ascaris? Redites-nous. Les ascaris, c'est des petits vers ronds, hein, c'est ce qu'on a chez les enfants très souvent, et qui vont émerger au niveau de l'anus de l'enfant et qui vont relarguer leurs œufs à ce niveau-là. Et souvent, en fait, ça crée un prurite anal chez l'enfant ou chez l'adulte, peu importe. Et l'enfant va avoir tendance à mettre sa main pour se gratter et ainsi ingérer les œufs. Et on a une auto-ingestion comme ça. Donc, on peut même avoir des comportements, des modifications de comportement chez l'humain de certains parasites et même sans que ce soit des cycles hétéroxènes. Pierre Kerner. Alors pour mettre un tout petit peu en perspective et peut-être justement assainir la conversation. Ce genre de pack, ben voilà. Ne mangez pas les œufs qui ont été oubliés dans le jardin l'année dernière, on vous le dit, on vous le répète. En fait, on peut justement considérer que c'est le lot de n'importe quelle interaction entre deux espèces, quand ce sont des interactions durables et très fortement imbriquées l'une dans l'autre. Je faisais justement ce parallèle dans le livre avec le mutualisme qui peut exister entre un pollinisateur et sa fleur. C'est finalement une manipulation comportementale de la fleur pour optimiser la charge de pollen que va pouvoir transporter justement avec une sorte d'équilibre avec le pollinisateur, avec un bilan de la quantité de nectar qu'il faudrait pouvoir utiliser pour attirer le pollinisateur à lui, et de la même manière, le pollinisateur qui va essayer d'optimiser la quantité de pollen, voire essayer de tromper la fleur et obtenir uniquement le nectar. Ce qui laisse à cette considération-là, est-ce que ces relations mutualistes, on ne pourrait pas tout simplement les envisager comme du parasitisme croisé ? Ce qui est intéressant aussi, vous le notez dans votre livre, Pierre Kerner, c'est la façon dont ces organismes de nature très différentes, qui sont à des endroits très distincts de l'arbre phylogénétique du vivant, arrivent malgré tout à communiquer sur une base parfois hormonale, sur une base parfois génétique, et comment finalement il y a un langage commun qui se crée entre le parasite et son hôte malgré leur extrême différence. C'est parce que justement à partir du moment où il y a une interaction, il y a nécessité au cours de l'évolution que le langage soit compris par les deux partenaires. Il faut que l'hôte comprenne ce que le parasite fait pour pouvoir s'en défendre, et il faut que le parasite comprenne ce que l'hôte est et la manière dont il fonctionne pour pouvoir essayer de l'exploiter. Quand je dis il faut, c'est uniquement le fait que, à travers le mécanisme aveugle d'évolution, c'est uniquement la descendance des organismes qui sont capables de ce genre d'exploits qui vont réussir à se transmettre, à favoriser, à pulluler et transmettre leur patrimoine génétique à la génération suivante. Simon Blanchet, sur finalement ce rapprochement contre-évolutif, si je peux employer cette espèce de néologisme qui fait que deux organismes vraiment sur des bases très très distinctes finissent malgré tout par réussir à communiquer ou par pirater le système hormonal ou génétique de l'hôte. Oui, il peut y avoir du piratage, de l'imitation. Après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des fonctions en commun non plus, on a des gènes en commun, même si on est éloigné dans le vivant, on vient quelque part du même endroit. Donc il y a des gènes qui sont conservés, qui éventuellement n'étaient plus utilisés dans certains groupes, et qui vont le redevenir quand l'organisme va devenir parasite. Et c'est vrai que du coup, on en vient à des signaux chimiques qui vont imiter ceux, enfin des hormones même, qui vont imiter ceux des hôtes. Hein. C'est le cas du chat, qui est, de la souris qui est parasitée par... Par la toxoplasmose. Par la toxoplasmose, merci, oui. Tout à fait, ouais. Qui va modifier les neurotransmetteurs, la dopamine. C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement ? Là aussi, c'est intéressant, le cycle de la toxoplasmose. Ouais, alors bon, concrètement, je peux pas rentrer dans les détails moléculaires parce que c'est pas ce que je connais le mieux, mais concrètement, on a une modification du taux de dopamine chez la souris, et la souris va prendre des risques, davantage de risques, et va s'exposer tout simplement au chat ou au prédateur qui est en aval, quoi. Pour pouvoir finalement atterrir dans cet hôte définitif et pouvoir proliférer à l'intérieur de ce dernier hôte. Oui, Simon Blanchet. Tant qu'on est dans la toxoplasmose, on a des doutes, par exemple, actuellement, de savoir si on sait que cette toxoplasmose peut se retrouver chez l'humain, ce qui est un hôte qui n'est pas l'hôte ni intermédiaire ni définitif, donc c'est un cul-de-sac hein, pour le parasite, entre guillemets. Mais malgré tout, et l'humain arrive à l'enquister, ce parasite, mais malgré tout, ce parasite potentiellement pourrait modifier le comportement des humains. Et il y a des études qui montrent que le taux, la prévalence de toxoplasmose pourrait être liée à certains traits culturels des sociétés. C'est corrélatif. Par exemple, le fait de prendre des risques dans une société, des choses comme ça, d'être ce qu'on appelle bold hein, en anglais. Il y a des corrélations qui montrent ça. Ça reste corrélatif et il peut y avoir des cofacteurs, mais voilà. C'est très difficile à prouver, c'est ça le très problème. Très difficile à prouver, parce que c'est mélangé avec plein d'autres facteurs. Voilà. Un mot aussi pour dire qu'on parle souvent de la stratégie, enfin de ces parasites qui ne voient que leur propre, enfin qui ne voient pas grand-chose, parce qu'en général ils en ont peu de conscience, mais en tout cas qui font en sorte de pouvoir maximiser leur stratégie de reproduction. On trouve aussi, et vous en parlez Pierre Cardin dans votre livre, des stratégies parasitaires, c'est-à-dire des êtres, des organismes, en général plutôt des vertébrés, qui ne sont pas en tant que tels parasitaires, mais qui ont des stratégies parasitaires. On parle de stratégies mafieuses, notamment chez l'oiseau. Oui, alors c'est le cas par exemple du coucou. Cet oiseau qui va faire du kleptoparasitisme, c'est-à-dire qu'il va exploiter à l'intérieur du nid de son hôte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va pondre à l'intérieur du nid d'une autre espèce ses propres œufs et va pour justement s'assurer d'une certaine manière que les œufs sont bien pris en compte, détruire les œufs, ou détruire les nids complets des oiseaux qui se mettraient à jeter les œufs du parasite. Donc on a vraiment cette stratégie à tube un petit peu particulière qui semble avoir justement régi à l'intérieur d'un écosystème un certain nombre d'acceptations du coucou pour que ceci soit toléré par les espèces qui justement ne s'en débarrasseraient pas. Sachant que bon, c'est un investissement assez colossal en termes d'énergie puisque l'espèce hôte doit nourrir l'œuf et donc ensuite justement le petit poussin du coucou ainsi généralement aux dépens de sa propre progéniture. C'est effectivement de la stratégie de la terreur. Peut-être pour dans le sens inverse, on arrive aussi, on le disait tout à l'heure, hein, parfois à une forme de bienfait évolutif ou en tout cas alors de commensalisme. Je ne sais pas très bien comment le qualifier, mais effectivement, quand on dit que le plasmodium pousse, eh bien la femelle anophèle, la femelle moustique, à plus se nourrir, à se reproduire plus vite, à plus de reproduction, à plus de dépendance. On arrive presque à une forme de commensalisme. C'est-à-dire que l'hôte, d'un seul coup, va se reproduire mieux, plus souvent, ou va chercher un type de mâle reproducteur ou de femelle reproducteur plus correspondant plus justement à la stratégie de reproduction du parasite. Comment est-ce qu'il faut qualifier ça, Simon Blanchet ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de commensalisme là-dedans ? Je ne sais pas si dans ce cas-là précis, on peut parler de commensalisme, parce que ce qu'il faut voir à la fin, si c'est peut-être que pour la femelle moustique, ça a un coût aussi d'aller chercher davantage de nourriture, peut-être qu'elle s'expose plus aux prédateurs. Donc, ce n'est pas évident de parler de commensalisme dans ce cas-là. Mais effectivement, il y a parfois le parasitisme, mais on se rapproche fortement du commensalisme où finalement le parasite n'a plus d'effet, il tire un bénéfice de son hôte, un bénéfice qui est mesuré, on va dire, et qui empêche, qui fait limiter en fait la réaction de résistance ou de résistance de l'hôte. Donc l'hôte va tolérer la présence de l'autre, du parasite. Pierre, vous avez des exemples justement de rapports hôte-parasites qui finissent par être bénéfiques en bout de chaîne d'une certaine manière, même si la durée de vie de l'hôte est réduite, et bien du coup ça va adapter une fois de plus ses comportements et bien pour maximiser sa descendance ou... On en voit bien dans cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la guêpe parasitoïde qui aurait domestiqué ce virus. Il est à peu près sûr que le virus, la présence dans le génome de la guêpe, provient d'un événement de parasitisme et donc qu'il y avait un coût à l'intérieur de la guêpe de maintenir ce petit bout de génome, ce petit bout de virus de génération en génération. Et comme on l'avait dit à peu près au début d'émission, le fait que ces relations durables qui perdurent ou de génération en génération puissent s'altérer et parfois même arriver à du mutualisme, c'est pas quelque chose qui devrait nous étonner. Et on a un exemple qui est pour moi le plus flagrant, le fait que on a certaines parties de notre génome, par exemple les syncytines, des particules probablement d'origine rétrovirale, qui permettent la fusion et la domestication un tout petit peu de la barrière qui existe entre le fœtus et la mère. Cet apport-là est colossal. Sans ces molécules d'origine virale, on n'aurait pas pu avoir justement cette communication possible et ce placenta qui s'est mis en place grâce à l'utilisation de protéines qui n'étaient pas dans le génome de l'hôte, et donc c'est-à-dire de la plupart des mammifères. Il y a aussi, alors ce sont peut-être, vous allez me dire l'un et l'autre, Pierre Kerner, Simon Blanchet, que ce sont des conséquences entre guillemets accidentelles, mais vous notez parfois l'action de certains parasites, notamment un parasite du crabe, qui permet in fine la création de nouveaux écosystèmes, de nouveaux environnements et le développement finalement d'un certain nombre d'espèces. Oui, c'est le cas de la saculine. La saculine est un crustacé dont la forme n'a plus, pratiquement plus rien à voir avec les crustacés. C'est sur une sorte de boursouflure qui se loge sur l'abdomen du crabe, qui fait pousser des réseaux de racines à l'intérieur du crabe pour en puiser toutes les ressources. Et ce parasitisme est accompagné par une castration du crabe. Le crabe devient docile, moins mobile, s'occupe essentiellement de son parasite, un petit peu triste, mais en fait il les considère comme sa propre descendance, que le crabe soit mâle ou femelle, c'est-à-dire qu'il y a une féminisation des crabes qui sont parasités par la saculine. Et le fait que ces organismes-là se déplacent moins font qu'il peut y avoir tout un écosystème qui vont profiter de cette sorte de carapace qui bouge mollement. Qui ne mue plus. Voilà, qui ne mue plus. Qui, qui permet justement d'avoir une sorte de récif corallien mobile à disposition et d'avoir un ensemble d'un écosystème qui va se former autour de l'action d'un parasite. Simon Blanchet, sur ce type. Ouais, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et c'est là qu'on se rend compte du rôle des parasites dans l'écosystème. Là, on voit en l'occurrence, ça peut vraiment devenir des ingénieurs de l'écosystème, ce qu'on appelle des ingénieurs de l'écosystème. Donc, ils modifient complètement la structure abiotique, les habitats qui sont disponibles dans les écosystèmes. Et on sait aussi que ça peut modifier la façon dont les chaînes trophiques fonctionnent. Un organisme parasité n'aura effectivement, comme on l'a dit, pas le même comportement de nutrition, pas les mêmes comportements globalement qu'un organisme non parasité. Il peut avoir besoin de plus d'énergie, de moins d'énergie, donc il peut brouter, il peut manger plus ou moins de façon importante, et ça modifie complètement la façon dont l'énergie est transférée du bas de la chaîne trophique vers le haut. Donc on se rend compte de plus en plus de l'importance de ces parasites dans l'écosystème, dans son entièreté. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On a entendu un certain nombre d'exemples effectivement assez passionnants, assez complexes, assez divers, parfois assez atypiques. J'aimerais terminer par, je ne sais pas Pierre, pour vous, quelle est l'histoire qui vous a mis sur la piste de ce livre ou qui vous semble la plus incroyable de parasite que vous aimeriez nous raconter pour mettre une petite touche de joyeuseté dans ce lundi de Pâques, qui ne soit pas l'histoire un peu cracra qu'elle nous a raconté Simon Blanchet tout à l'heure. Alors c'est une histoire triste quand même, parce que bon, il faut rappeler... Je vous en demanderai une autre, Simon Blanchet, que votre histoire craquera du chocolat. Là. Pour justement compléter un tout petit peu cette idée de l'écosystème qui est contribué par l'action d'un parasite, il y a ce fameux parasite qui semble un petit peu un ver, un hématomorphe, et qui rentre à l'intérieur de certains insectes, mais qui, pour se reproduire, doit se reproduire dans un milieu aquatique. Et une de ses actions, c'est de pousser ces insectes au suicide, c'est-à-dire de pousser ces insectes qui n'aiment pas l'eau, généralement, à aller se noyer dans des points d'eau. Et ça, d'une part, ça permet aux parasites de se retrouver dans le milieu aquatique pour pouvoir favoriser sa reproduction, mais aussi, c'est un apport assez important pour toutes les espèces aquatiques, pour justement varier leur apport trophique et qui peuvent se nourrir d'espèces typiquement terrestres, épargnant par là même des espèces aquatiques qui, elles, étaient les proies favorites de ces poissons, par exemple. Simon Blanchet. C'est pas le chocolat dont il faut se méfier, c'est la terre. On avait compris. Manger du chocolat. Non, moi, j'ai pas d'histoire. Moi, je viens pas du monde des parasitologues initialement. Je m'y suis mis un peu sur le tard. Et dès qu'on découvre en fait ce monde, on a du mal à en sortir. Moi, c'est ça que je retiendrai. C'est quand même une seule espèce, il faut pratiquement une vie pour la comprendre entièrement et pour comprendre tous les petits secrets qu'elle a et la façon dont elle utilise le vivant, l'autre. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Simon Blanchet, merci à nos collègues également de France Bleu Occitanie à Toulouse pour le duplex. Merci Pierre Kerner, moi Parasite, c'est aux éditions Belin, c'est illustré par Alain Prunier et Adrien Demilly. Plein d'histoires passionnantes sur ces fonctions parasitaires dans le vivant. Je vous le conseille volontiers. Et puis voilà, et puis Pierre Kerner, on vous retrouve très bientôt autour de cette même table de la méthode scientifique pour nos vendredi actu auquel vous êtes maintenant vous êtes coutumier. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Mathieu Lefrançois, Céline Lezen, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Clément Daté à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture, c'est une nouvelle semaine de LSD, la série documentaire en séance, étape d'une psychanalyse, une série signée Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin tout à l'heure après le journal de 18h aux alentours de 18h20 du grain à moudre. Que faire des individus dangereux? Ça n'a rien à voir avec Pierre Kerner, c'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima, que faire après une catastrophe nucléaire? Comment décontaminer? Comment traiter les sols? Comment réinvestir les lieux? L'ère post-catastrophe nucléaire, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.